Ça, Romy, c'est pour la maman, Saloa, je t'aime. Écoute ça, c'est ton fils, et c'est pour toi. Tu m'as donné la vie le 11 août 97, donc aujourd'hui je t'écris ce récit. J'écris ma vie avec toi, je t'aime trop pour te mentir. Je rêvais de grandir à tes côtés et je l'ai pas fait, c'est mon plus grand regret. Même si des fois tu voulais me baffer et que tu regrettais de pas l'avoir fait, car des fois je le méritais. Maman, je suis pas un fils modèle et après tout personne ne l'est. Oh, mais pour toi je ferais n'importe quoi. Si je réussis dans la vie, c'est grâce à toi. T'as toujours été radieuse et la pour moi, t'es mon soleil, t'es celle qui illumine mini, maman, l'amour que je te porte, seul Dieu le sait, je suis pas un saint, donc quand j'ai des soucis, je me recroqueville sur toi comme un cloporte. T'es ma carabasse, t'es pas carabas, non, beaucoup trop loin de ça. Même quand tu m'engueulais, ben j'ai su être à l'écoute. Celui qui t'insulte avec moi, il en découle. Du coup, je m'en fous des gens qui me critiquent sur cette musique. Maman, c'est le mot le plus beau. Ta mère, c'est la plus belle. Devant elle, j'ai tes gros mots à la poubelle. Ta mère, c'est la reine. La maison, c'est son empire. Fais le con dehors et chez elle, sois le plus clean. Maman, c'est le mot le plus beau. Ta mère, c'est la plus belle. Devant elle, j'ai tes gros mots à la poubelle. Ta mère, c'est la reine. La maison, c'est son empire. Maman, t'es la reine de mon empire. Rien de pire que de se disputer avec la maternelle. N'oublie jamais, au grand jamais, que c'est elle, oui, que c'est elle qui t'a enfanté, allaité, éduqué, écouté et réconforté dans tes moments de blues. Ma mère, moi, c'est ma debouze. Elle sait me faire rire quand tout va mal. Ton odeur, j'oublierai pas. Tes plats m'ont manqué durant mon départ. Ma mère est la plus forte et la plus belle. Dis-moi si t'as un problème avec ça. J'kick ce texte pour un mi. Je t'aime et je t'aimerai toujours, maman. Pour te prouver mon amour, j'irai même jusqu'à m'arracher le cœur et te l'offrir. Je voudrais même mourir avant toi pour pas avoir à vivre ton départ. Mais je voudrais pas avoir à te faire de la peine et mourir avant toi. Tel est le dilemme. Maman, c'est le mot le plus beau. Ta mère, c'est la plus belle. Devant elle, j'ai tes gros mots à la poubelle. Ta mère, c'est la reine. La maison, c'est son empire. Fais le con dehors et chez elle, sois le plus clean. Maman, c'est le mot le plus beau. Ta mère, c'est la plus belle. Devant elle, j'ai tes gros mots à la poubelle. Ta mère, c'est la reine. La maison, c'est son empire. Maman, c'est le mot le plus beau. Ta mère, c'est la plus belle. Devant elle, j'ai tes gros mots à la poubelle. Ta mère, c'est la reine. La maison, c'est son empire. Fais le con dehors et chez elle, sois le plus clean. Maman, c'est le mot le plus beau. Ta mère, c'est la plus belle. Devant elle, j'ai tes gros mots à la poubelle. Ta mère, c'est la reine. La maison, c'est son empire.